Bonjour à toutes et tous, et c'est l'heure de retrouver notre chronique conso qu'on attend chaque semaine avec impatience pour apprendre tout plein de choses sur notre vie en société, les produits que l'on consomme. La semaine passée, on a parlé de confiture, ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, Joël Constanza, chargé de communication à UFC Que Choisir, nous propose une thématique qui est l'obésité. Bonjour Joël. Oui, bonjour Marlène. On va parler de santé et d'obésité parce que l'obésité, c'est-à-dire si on a un IMC, alors IMC, indice de masse corporelle, eh bien, supérieur à 30, eh bien, on est obèse. Et l'obésité touche actuellement 8,5 millions d'adultes en France, ce qui fait quand même 17% de la population. Et puis, si on englobe le surpoids, donc le surpoids, c'est un IMC supérieur à 25, eh bien, ce sont au total 47% des Français qui sont concernés. Alors, c'est surtout alarmant parce que chez les jeunes, depuis 1997, eh bien, l'obésité a été multipliée par 4 chez les 18-24 ans. Alors, en soi, c'est surtout grave parce que cette pathologie entraîne de multiples complications comme le diabète, les maladies cardiovasculaires, le cancer, etc. Comment est-ce qu'on le calcule, cet IMC ? Ah oui, bien sûr, j'ai calculé le mien. L'indice de masse corporelle, ou l'IMC, c'est son poids divisé par sa taille au carré. Alors, vous allez sur amélie.fr, vous avez un calculateur qui vous le fait tout de suite. Et donc, ce chiffre indique si la personne est en surpoids ou en obésité. Alors, si l'IMC est entre 25 et 30, il y a surpoids. Et au-dessus de 30, eh bien, on entre dans les différentes catégories d'obésité. Bon, donc les petites rondeurs, ça passe. Ça, c'est en dessous de 25. On entend souvent que l'obésité, c'est une question de volonté et qu'il suffit de maigrir. Ah oui, c'est vrai, parce que près de la moitié des Français pensent que l'obésité est due en fait à un manque de volonté. Et ce qui est curieux, c'est que les personnes obèses elles-mêmes partagent cette idée. Et l'obésité est souvent résumée, et je le dis bien à tort, à un objectif de perte de poids. Alors, il faut être clair, les problèmes de poids ne sont pas un choix de vie. L'obésité, c'est une maladie chronique, au même titre que l'hypertension ou l'épilepsie. Donc, il faut dans un premier temps rassurer les patients, les déculpabiliser, et surtout déconstruire ces idées erronées. Ça, c'est vraiment l'une des premières étapes de la prise en charge. Alors justement, cette prise en charge, parlons-en. On a compris la première étape, déculpabiliser, mais alors après ? Alors, la prise en charge de l'obésité, ça doit être multifactoriel. Elle nécessite une prise en charge globale avec un médecin généraliste, des spécialistes de l'obésité, des nutritionnistes, des endocrinologues, mais aussi des diététiciens et des psychologues. Parce que environ la moitié des personnes obèses, en majorité des femmes, souffrent en fait de troubles du comportement alimentaire, ce qu'on appelle des TCA, avec des grignotages, des compulsions alimentaires, des crises de boulimie au milieu de la nuit. Et puis souvent, il y a aussi la dépression, l'anxiété qui sont associées à ces troubles du comportement alimentaire. Alors cette détresse psychologique doit être prise en compte pour soigner l'obésité et puis surtout permettre aux patients de maintenir dans le temps un nouveau mode de vie surtout. Trouble qui peut d'ailleurs être à l'opposé de l'obésité, mais aller vers l'anorexie d'ailleurs aussi. Oui, bien sûr, enfin, tout à fait. C'est le sujet du jour. Oui, oui. Ce nouveau mode de vie, il passe par quoi alors ? Alors, tout d'abord, l'exercice, qui est l'un des piliers de la prise en charge, parce que l'inactivité physique et la sédentarité, c'est curieux, parce que c'est à la fois les causes et les conséquences de l'obésité. C'est ça, c'est aux deux bouts. Alors, il faut être clair, l'activité physique ne fait pas maigrir, mais par contre, elle améliore la composition corporelle, puisqu'elle favorise la fabrication de muscles, et elle diminue la masse de gras. Bon, elle améliore bien sûr aussi le bien-être psychique, ça aussi. Et alors aussi l'alimentation ? Oui, alors attention, parce que les régimes restrictifs, ça c'est clair, ce n'est jamais la solution. Ils sont inefficaces et puis surtout, ils sont à l'origine du fameux effet yo-yo, vous savez. Et puis paradoxe, en fait, ils vont provoquer d'autres troubles alimentaires. Donc non. Alors, il faut au contraire que les personnes retrouvent le plaisir de manger. Ça, c'est important. Apprennent à écouter et à respecter leurs sensations de faim, de satiété. parce que pour beaucoup, hein, l'alimentation, c'est une bouée de sauvetage, un refuge, hein, on le sait. Hein. Donc, il faut normaliser le rapport à l'assiette, ça c'est une priorité. Et puis, c'est l'un des objectifs du suivi chez le diététicien, hein, qui est justement là pour aider les patients à construire ensemble de nouvelles habitudes, et puis nouvelles habitudes à instaurer progressivement, hein, pas d'un seul coup. Bien sûr. On entend aussi parler de chirurgie qui semble être un traitement efficace. Alors, c'est vrai, hein, en diminuant la taille de l'estomac, hein, ce qu'on appelle la chirurgie bariatrique, hein, ça permet de perdre 20 à 30% de son poids. Et puis, ça réduit les complications liées à l'obésité. Alors, c'est à ce jour le traitement le plus efficace pour l'obésité sévère. D'ailleurs, en France, chaque année, 50 000 personnes à peu près ont recours hein, quand même. Ah oui. Mais attention, hein, ça doit être vraiment un traitement de deuxième attention parce que ça entraîne, on le sait, hein, de grands bouleversements. Ça exige aussi d'adopter de nouvelles habitudes de vie, hein, la prise de médicaments, puis surtout un suivi qui est indispensable. Alors pourquoi ? Ce suivi est indispensable. Eh bien, parce qu'en fait, dans les semaines qui suivent l'opération, hein, les pertes de poids, elles sont parfois spectaculaires et rapides. Mais c'est dur aussi d'accepter un nouveau corps amputé de plusieurs dizaines de kilos. Ça peut être très déstabilisant. Hein. Et puis, la perte de poids, bah, au contraire, elle peut ne pas être celle qui était espérée. Donc, voilà, il peut y avoir un contre-coup psychologique qui est susceptible, en fait, de faire ressurgir des troubles. Ah oui. Alors, en fait, on le sait, hein, il y a environ 20 à 40% des patients qui reprennent ces kilos quelques années plus tard. Alors, les traitements médicamenteux, on en parle aussi de plus en plus. Est-ce qu'il y a des médicaments miracles ? Alors, oui, il y a des médicaments injectables hein, qui ont percé en ce moment, qui sont sur le marché en ce moment, alors qui sont d'une efficacité indéniable, hein, parce qu'ils permettent en moyenne de perdre 15 kilos. Hein. Mais plusieurs études ont montré que cet effet ne se maintient pas au-delà de la durée du traitement. Ah oui. Voilà, quand ces personnes arrêtent le traitement, eh ben elles ont tendance à reprendre du poids, et ce, particulièrement rapidement, hein, environ un demi-kilo par mois. Donc l'effet yo-yo, on le retrouve. Ah, oui, voilà, c'est-à-dire dans l'année qui suit l'arrêt du traitement, bah, les patients reprennent en moyenne 2/3 de leur poids, et puis pratiquement leur poids au bout d'un an et demi. Alors, avec un régime plus classique, ce retour, quand il arrive, est beaucoup moins rapide, c'est environ au bout de 4 ans, hein. Alors, pourquoi arrêter un traitement ? Bah, parce que la moitié des patients qui abandonnent dans l'année, bah, ils le font souvent à cause des effets secondaires, des effets indésirables qui sont trop lourds. Hein. Or, je viens de le dire, hein, ces injections doivent être prises sur le long terme pour rester efficaces. Et puis, surtout, bah, y a aussi une autre raison. Hein, oui, c'est le prix qui est particulièrement élevé parce qu'en France, tous ces produits ne sont pas encore remboursés. Donc, les patients doivent débourser de 250 à 500 euros par mois. Il faut pouvoir. Voilà, c'est quand même une somme. Hein. Alors, le coût d'une prise en charge au long cours par la collectivité fait aussi débat, hein, puisque jusqu'à 2 millions de personnes pourraient bénéficier de ces médicaments. Mais avoir le véritable impact de ces médicaments sur la prévention des maladies associées à l'obésité, et puis aussi, il faut bien aussi avouer, hein, le rapport coût-efficacité. Mmh. Alors, on pense que ce serait peut-être bien de prévoir un plan d'ensemble de lutte contre l'obésité, hein, avec surtout un repérage précoce chez les enfants, une refonte de la formation des diététiciens, une sensibilisation des médecins, une prise en charge élargie, hein, diététique, psychologie, activité physique adaptée, et puis tout ça dans le cadre d'un programme de soins et d'éducation thérapeutique. Et puis ce que nous préconisons depuis des années, hein, eh bien, c'est l'arrêt de toute publicité pour la malbouffe, hein, la mise en avant de produits sains, et puis surtout le déplacement aussi, hein, on a fait des essais, le déplacement de ces présentoirs bonbons aux caisses, vous savez, vous avez peut-être été avec des enfants aux caisses, oh regarde maman pendant qu'on attend à la caisse, et c'est du vécu. Voilà, bah, oui, c'est du vécu, tout à fait. Voilà, donc tout ça, essayons d'avoir une politique d'ensemble de lutte et surtout de prévention de l'obésité. Merci beaucoup pour tous ces conseils, Joël. On rappelle à nos auditeurs que rien ne vaut le petit panier de son primeur avec des bons légumes, des bons fruits à cuisiner chez soi, prendre le temps de cuisiner pour bien manger. Merci beaucoup, Joël. Merci. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau sujet qui sera... Ah, je ne sais pas encore, je n'ai pas écrit. Ça sera une surprise. Très bien. À la semaine prochaine pour une nouvelle chronique conso.